Marianne Denicourt lit Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Monsieur Proust avait la même fidélité dans sa façon de s'habiller que dans ses autres goûts. Là aussi, il y avait en lui un attachement à son passé. Et dans les dernières années, je sais qu'il se trouvait des gens, surtout parmi ceux qui le découvraient dans sa célébrité, pour dire qu'il avait l'air d'appartenir à un autre âge, à cause de la mode qui avait beaucoup changé avec la guerre. Alors que lui, il gardait la vieille coupe de ses vêtements avec ses cols de chemise hauts et durs. Mais il n'y aurait eu que des imbéciles pour le juger ridicule et ne pas s'aviser de son extraordinaire élégance naturelle qui faisait tout passer. Je suis certaine que pour la plupart des gens qu'il connaissait ou qui le rencontraient, il a été jusqu'au bout le grand seigneur que j'avais vu la première fois et qu'il demeurait pour moi. Il avait cette suprême élégance d'être ce qu'il était. Simplement. Toute sa toilette était un secret. Tout était préparé à l'avance, au-delà c'était le domaine interdit. Il était d'une pudeur extrême dans ce domaine d'intimité. Jamais, au grand jamais, personne n'a pénétré dans son cabinet de toilette quand il y était. Ce qu'il faut se représenter, c'est la cérémonie des serviettes. C'était des serviettes fines, œil de perdrix, en fil. Chaque fois, je lui en préparais une pile de 20 ou 22 sur sa table de toilette, et toutes les serviettes y passaient. Il se tamponnait une fois avec chacune pour se laver ou se sécher, puis il la jetait. Il y en avait une énorme réserve et tout cela partait pour la blanchisserie. On ne lavait rien à l'appartement. Parfois, voyant ce gâchis, je ne pouvais m'empêcher de lui dire « Monsieur, quand je pense à tout l'argent que vous gaspillez ainsi, j'en ai peine. » « Moi ? Mais qu'est-ce que je gaspille, Céleste ? Tout ce linge qui est comme propre et que vous jetez là. » « Ma chère Céleste, ce que vous ne comprenez pas, c'est que si je me resserre d'une serviette trop humide, cela me fait des gerçures et me donne des crevasses. » Ses brossages de dents aussi étaient d'une richesse. Il employait de la poudre, uniquement, toujours la même, très blanche et très fine. Il en mettait en quantité et devait brosser au moins une cinquantaine de fois. Après, tout en était éclaboussé, la glace, la table de toilette et même lui. C'est à cela que j'ai su que, assez souvent, il devait finir sa toilette par le visage et les dents, et déjà habillé. Car lorsque je le revoyais ensuite tout prêt à sortir, il m'arrivait de lui dire « « Monsieur, vous avez taché votre cravate, elle est toute piquetée de blanc. » Et j'insistais pour enlever les taches. « Non, non, laissez, ma chère Céleste, c'est bien comme cela. Est-ce que vous croyez que les gens veulent me voir pour mes cravates ?» Mais finalement, il m'accordait de lui essuyer ce blanc. C'est bien à peu près tout ce qu'il autorisait. Une seule fois, vers la fin, un soir où il était très fatigué et où il avait décidé de sortir malgré tout, je le revois. Il était affalé dans son fauteuil, tout habillé, et il m'a dit « Voulez-vous avoir la gentillesse de me donner mes bottines, Céleste, pour que je puisse me chausser ?» Je lui tends les bottines, il les prend et les enfile, mais avant qu'il ait eu le temps de finir, me voilà à genoux comme une gamine et tac-tac-tac-tac en train de les boutonner, sans même lui demander son avis. Il s'est presque rejeté en arrière, et il a dit avec une souffrance dans la voix « Oh non, non, non, pas cela, Céleste !» « Mais si, monsieur, c'est tout de suite fait. Pourquoi voudriez-vous que cela me gêne ?» Quand je me suis relevée, il avait presque les larmes aux yeux. Et je l'entendrai toujours du fond de sa douceur. « Oh, Céleste, comme je vous aime !» Parce que ce qu'il y avait de beau avec lui, c'est qu'il y avait des instants où je me sentais comme sa mère et d'autres comme son enfant. Il est certain que la guerre a beaucoup facilité la familiarité entre nous. De même qu'il est très probable qu'elle a aidé au grand changement dans sa vie vers la réclusion, en dispersant une bonne partie de ses amis. À cette époque, il avait une curieuse attitude envers moi. D'un côté, il y avait sa sollicitude, il insistait pour que j'aille m'abriter à la cave pendant les alertes. « Je vous dis d'y aller, Céleste, parce que s'il arrivait un accident, je l'aurais sur la conscience devant votre mari à qui j'ai promis de veiller sur vous, et devant moi-même. » Avez-vous jamais pensé que si une de leurs bombes venait à mettre le feu, nous flamberions comme des torches dans mon liège? Et quand je protestais que je n'aimais pas descendre dans ce trou et que je préférais encore griller avec lui, il répondait avec douceur « Mais moi, cela n'aurait pas d'importance. D'abord, je suis un grand malade, et puis tout ce que j'ai entrepris serait détruit. Tandis que vous, vous êtes jeune. » il avait un tel oubli du danger qu'il trouvait tout naturel, dans ses impatiences que les choses soient faites, de m'envoyer sillonner en pleine nuit les rues dans l'obscurité sans même penser que j'étais une femme. Moi non plus, finalement, cela ne m'étonnait pas du moment qu'il me le demandait. J'étais dans une telle béatitude avec cet homme que cela devait me rendre aussi un peu inconsciente. C'est à ce moment-là qu'il a commencé par m'interroger beaucoup. Il voulait tout savoir de moi et de ma famille, et principalement de mon enfance. « Parce que c'est là que tout se fait, me disait-il, le paradis comme l'enfer. » Monsieur, je me demande pourquoi je vous raconte ça. Je dois vous ennuyer à toujours vous parler de mon enfance et de mon village. Mais pas du tout, Céleste. Je vais même vous faire une confidence. Je voudrais écrire un livre sur vous. Vous vous moquez encore de moi? Nullement, nullement. Et ne vous offensez pas. Car voyez-vous, si j'écrivais ce livre, chère Céleste, on y apprendrait beaucoup. On y verrait que ce que vous avez en vous ne vous appartient pas. Et c'est ce qu'il y a de plus passionnant chez les êtres humains. Savoir d'où nous vient ce que nous sommes. Vous avez une belle âme, mais de qui la tenez-vous? De votre père, de votre mère, de votre grand-mère, de bien plus loin encore? Voilà ce que je voudrais savoir. Et moi, comme il me fascinait avec sa manière d'écouter, la joue gracieusement posée sur la main, et les yeux tantôt pleins de douceur, tantôt brillants d'amusement, mais toujours attentifs par derrière, comme s'il avait déjà été en train de transformer en écriture ce qu'on disait, eh bien moi je parlais. Il était très intéressé par mes frères qui étaient quatre. Le second avait épousé une nièce de l'archevêque de Tours, Monseigneur Nègre. Peu de temps après, il me montra un petit poème qu'il avait écrit sur le sujet et qu'il me lut, avec un air de se moquer de moi. « Grande, fine, belle, un peu maigre, tantôt lasse, tantôt allègre, charmant les princes comme la pègre, lançant à Marcel un mot aigre, lui rendant pour le miel le vinaigre, spirituel, agile, intègre, telle est la nièce de Nègre. » Et il riait comme un enfant. « Alors, qu'en dites-vous, Céleste? C'est bien, non? À moi, il me plaît. Je vous le donne. » « Et monsieur, vous m'arrangez, le vinaigre. Oh, mais Céleste, belle, et charmant les princes, et spirituel, agile, intègre. Nous le mettrons dans mon livre. Il en aurait battu des mains. Et il a tenu parole. C'est dans son livre. » C'était Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Extrait lu et choisi par Marianne Denicourt. Enregistrement, montage et mixage, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Souvenirs recueillis par Georges Belmont et publiés aux éditions Lafont.